chemin de la croix méditée. Ô croix, salut, salut notre unique espérance. Tu es la rédemption du monde et sa gloire. Accorde au juste un accroissement de justice, au pécheur la grâce du pardon. Auguste Trinité, ô Dieu, que toute intelligence chante vos louanges. Par le mystère de la croix, vous êtes notre salut. Soyez aussi notre guide et notre roi pour tous les siècles. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri s'élève jusqu'à vous. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Regardez favorablement, Seigneur, cette famille qui vous appartient, car pour elle, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas hésité à se livrer entre les mains des pécheurs et à subir le tourment de la croix. Prière préparatoire. Ô Jésus, mon divin Maître, qui pour l'amour de moi avait souffert la mort de la croix, je viens contempler en esprit les lieux consacrés par votre sainte passion, suivre vos traces sur la voie douloureuse du calvaire, méditer les principales circonstances de votre sacrifice, tandis que je parcourrai avec vous ce chemin où tout me parle de votre amour, apprenez-moi ce qu'il vous en a coûté pour devenir mon sauveur. Révélez à mon âme tous les sentiments qui remplissaient votre cœur sacré, et faites-les revivre dans mon cœur, afin que je recueille tous les fruits de grâce que vous m'avez mérités. Et vous, ô Vierge Sainte, qui avez trouvé dans votre amour maternel la force d'accompagner l'homme-Dieu jusqu'à l'accomplissement de son sacrifice, et qui, après sa résurrection glorieuse, veniez encore sur tous les lieux témoins de ses douleurs, raviver les sentiments que vous avez fait éprouver, ses humiliations et ses souffrances. Marie, ma bonne mère, apprenez-moi à reconnaître l'immensité du bienfait de la rédemption, à compatir aux mots de Jésus, à recueillir ses enseignements et à les conserver fidèlement dans mon cœur. Obtenez-moi la grâce de partager votre affliction, votre foi, vos adorations, votre confiance, votre amour. Puissé-je, par votre intercession, pleurer amèrement mes péchés, les expier dignement et les éviter soigneusement à l'avenir, pour ne pas renouveler en moi le crucifiement de mon adorable Rédempteur. Ô Jésus et Marie, par les douleurs ineffables que vous endurâtes sur la route du calvaire, enseignez-moi ce que je dois faire de mon côté pour guérir mes maux spirituels. Éclairez mon esprit, purifiez mon cœur, fortifiez mon âme, obtenez-moi la grâce de pratiquer sans cesse les vertus chrétiennes, de correspondre fidèlement à l'inestimable bienfait de la rédemption. Ô Jésus, vivifiez-moi par vos mérites infinis. Marie, soutenez-moi de votre puissante protection, afin qu'en méditant les souffrances de mon Sauveur, je comprenne quelle doit être la vie du chrétien sur la terre, et qu'en m'attachant à remplir les devoirs, je parvienne à la fin dernière que Jésus nous a conquise par son sang. Les chantres. La mère de douleur était là, près de la croix, elle pleurait, pendant que son fils y était suspendu. Le peuple. Mère sainte, accordez-moi cette grâce. Imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié. Les chantres. Son âme gémissait, elle s'affligeait, elle souffrait. Le glaive l'avait transpercée. Mère sainte, accordez-moi cette grâce. Imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié. Les chantres. Oh, qu'elle était triste et malheureuse, cette Vierge bénie, mère du Fils unique de Dieu. Mère sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement dans mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié.